Je représente le peuple dans toute sa splendeur. Plaque, plan, peur. Julie. Ouais, ouais. Dans la vie tu fais des choix et pour avoir tu te bats. Et quoi qu'il en soit on fait tout pour pas perdre Fanny. Mais dites-moi j'ai fait quoi à part vouloir rentrer chez moi. Je suis George Floyd, je suis ce père de famille. Je viens d'avoir 18 ans, j'ai acheté mon premier cross. J'en ferai tout l'été, même les jours où il fait pas beau. Mais sur la route je croise une patrouille, ils veulent trop jouer les boss. Ils renversent la moto, je finis mort sur le capot. Et toi qui me traites de racaille, quand tu me vois en poursuite, sache qu'ils viennent d'essayer de me buter, c'est pour ça que je prends la fuite. Tu diras que c'est pas vrai, seulement si t'es le fils d'un flic. Ce que je dis c'est pas du pipeau, on se rappelle 98. Je me suis débattu, j'ai crié tant que j'ai pu. Mais personne n'est venu, pourtant j'ai tenté, j'ai tout fait. Ils me tabassent, ils me jettent au sol. J'ai fini me noter, ils sont sur moi, je peux plus respirer, je vais bientôt m'étouffer. Avec les gilets, je vois tout le monde scandalisé. Je me voyais déjà marcher jusqu'à l'Elysée. Pour inverser les rôles, car beaucoup finissent en tol. Floyd avait des rêves qu'il voulait réaliser. Mais la police te tue dans la rue, ça fait baliser. Mais c'est pas des lols, quand t'es pas loin, flashball. J'ai seulement 14 ans, quand ça frappe à la porte, des gens viennent m'annoncer que papa est parti en poussière. Mais plus tard je grandirai, et quand je comprendrai, j'aurai la haine contre les autorités policières. Si tu marches dans la rue et que tu vois une confrontation, c'est qui que tu désignes quand tu vois leurs mains en sang? Que penses-tu de ceux qui doivent protéger la nation? Toi qui applaudis l'insigne de ceux qui tuent des innocents. J'suis obligé d'en parler, ça me tient à cœur. Je représente le peuple, ouais, dans toute sa splendeur. Les inspecteurs qui sont racistes, c'est ça qui m'écœure. On a toujours prôné la France Black Plan Peur. On peut plus faire marche arrière, c'est ce que me disent mes compères. Quand dans la rue c'est la guerre, j'entends on couvre tes arrières. On peut plus faire marche arrière, c'est ce que me disent mes compères. Quand dans la rue c'est la guerre, j'entends on couvre tes arrières. Avec les gilets, je vois tout le monde scandalisé. Je me voyais déjà marcher jusqu'à l'Elysée. Pour inverser les rôles, car beaucoup finissent en tol. Floyd avait des rêves qu'il voulait réaliser. Mais la police te tue dans la rue, ça fait baliser. Mais c'est pas des lols, c'est pas des lols.